sœurs en Christ, Zambazo Mona, Ozama Raté, Nono Yengo na Brown Sweet, MC Rogers le leader, Apo Firenze Ousmane Kaloudji, Simon Bongo Nickel Kipewa, Vivi Kelly Bebe Mounanga Simon Citadeps de Mokalemba. De papi canza Patrick Diamona. Thank you. Kinae. Yebisae ako kakape ko gagne tiercé dans l'ordre. Eloko le loko ya ngunga na ngoa. Papa tope, tope, yeah. Alain Saint-Pierre, commandant Aubrey de Air Africa. MK Moussa l'international, Libertine Romolo. Bonga Batissi, Hunter, Jésus de Londres. Bopesso. Limbi sanga, ma chérie. Oh, mon Dieu. me me sana kate la mama sana as diopa na botutu ya boinga ile bura me sana te liso se Melinga e motema, abandona la zeki bacio lima. Tapolo baba kole, kana se mapwe, kana na yoto kubana, seko seko Tulampaka Bonga Bakisi Alendo Simba Simba to Simba na makasi Betinyo tabodwe emba to betanzango na keboto emba Sala o son waya Alphonse Tia Air Africa Se kakita kona elu tabanga na onga na poni na ngayo mwana mamie Papa okia tuta monzele bine mina yo bakwe ama ya ngao Pami fiti nyo soyo oyo baina kachumae Je le saigne Omer Lubula Oye baba neni baga ba jalou na yo bana wana kufamba mosili wa yawe batwa mona botika ko luka na kanta moto tuto Palobandeto sanganaka Mustafa Ale Potokoli Sabeni Nabiso Kolo tous les miens Oh tala lelo yo Binaboko ma babri wigalueza Kolo kabobo ma pula Boswane bomero Oluka bobo mapula ebosu ande bomengo Bomengo bako somba kateza li chance ya mokili Mama botangae haye eba Mama botangae bia botanga kitoko Bobo trespia bien Biso nanga charme Allure nanga c'est bon Sourire nanga ça va Botiko tongi sanga Charme, sourire la sava, allure la sèvre, pour l'ingo, pour l'ingo. L'isipa y koufela e la tika la bata, pata souka se azwani kama. Papa na rokiye ope sanga maboko. Ngaiko mobola yawe Zoki mpona mosolo ezali bolingo te Nkolo zoki mpona falange komielo Komo po artificiel Na embanga debu Pierre Koudiabi Cabinet Atepa à Dakar Le meilleur Mama Batanzame Akela mpona linga Ruben Magali Priscilla Na Romy Jessica Rudy Noël Angalale Mama ya bota Zama ke la pola Lika Ribe Magali Priscilla oui, bon. Naomi Jessica Hassan Koukou Rudy Noël Angalale Mama ya bota Zama ke la pola Lika Ristote Elvis and the Nalina Rocky, Bettina London, Minou Miss Univers, Chris Cross, mon machette, mon affection. Maître John, Maître Le Mané, Maître Bobo Vandal, Maître Kamba Kamouzé. Cimetière yangoyo, bokena mawapi, osuki sanga tawana. Mape sapa sama kami kala sama suka malema. Cimetière yangoyo, na mangali wapuka, osuki sanga tawana. Mama, mi. Oh, papi. Samba Hata artiste. Depuis les États-Unis, quartier latin à Kanisibino. Jean-Jacques Bayonne, 5 sur 5. Le purvier Johnny Nko. Paris, Panacanal, Muntu Bajiba Mulowa Akrame. Notre Père qui êtes aux cieux, Yomoko Zomona, Papamboli Tozo. Quartier latin, antidopage. Edo Olito Benga, Pati Mokote Onatra, Lokako. Dame Zomona, le chocoro va bientôt à Zoma Pamboli. Papa Nanga Moto Yampasi, maman Potingande Mobola. On t'aime tant d'imposa, Pokabela Mosangé au Pokabani. Dame Nasengi Seneo, Bomengo, Vanyama Yele. Oh, Ramonia. Mama botinga ne mabala moteme itonda mposa kukabela mozangi okukabani miye zambe na singi sena yo omengo kwanyama yele Oh, la biso ta me ya ka kota la biso kotika te ka te la te bazanga ka sana ayo ye ta me ya ka kolela ya papa na waki sambe ya ka kolela oyo ya bana babola ya usambo na ngana kobelela na monda nze jeri angwe pa Yeah. Kabuya Ti va con la bassusina lembi chi a cara mora mara passo io mama ya mama volimo bombe bo pesso héritier espérant foule tata na papa fille kuna eza awate ekirin leonela ici suzuki je viso selikampa avec piscine mami de rosa Evelina mongolo c'est le bamsa appelle tout mama sikini au de robot école mère bita la blonde mère véro la congolaise stania tembo idée à badidi armani la fribourg mami matundu Agnès c'est folier Dans mon côté Nicole, Nikita, la Maison Blanche Jepika qui t'aigné Bichine non marouana BDG à quartier latin Pas comme elle est Ado Moujangue Je perds le tomba Mami la rosa C'est moi Et ça l'eau ma séquine Bangkoko bake naka bokila Zonga kina wa toli la wanzete Firme avantage Alphonse Lukundula Yamaka Olivia Najani Michel Mona Bobo Botele la Katia Liziba Mode Bela Tchatcho Chantez-moi le bon, yo, comment bien le bon, la tombe. Dario Kindongo. Jean-Cy de Ingo, liberté, les gars. Henri Papa, Papa Nayan. Yayana Gisele, Mouté, Manamanya, Sola Pesayo. Papa Yébisa, Nika, Ousala, Kasserieza. Nase, Papa Yoka, Fidelité. Namo, Apasso, Seleta, Papa Noël, boy bisayete. Makango ya mama ba benga ke obe papa. Ha. Jean-Franco Ferre Motogo. Bolingo Zete kola ebota ekwe ya kapena mo pepe ndinga ba saula Giorgio Bundu delito. Bye bate bye bate bye bate mama mama. Si tu connais pas la vie, maman, oh, oh, Irene. Si tu connais pas la vie, maman, oh, oh, maman. Et on va Isaïe, va gué mon kokoro à Bobongo. Et on va Isaïe, va gué mon kokoro à Bobongo. Et on va Isaïe, va gué mon kokoro à Bobongo. Et on va Isaïe, va gué mon kokoro à Bobongo. Et on va Isaïe, va gué mon kokoro à Bobongo. Et on va Isaïe, Mère Malou, Chloé. Yona ma maman Oshoué, Bwebi Saete Mbisi a salaka lofundu le balé. Andi makate te a kote kamalika ya buna wenze. Princesse Moski, bébé Kigoma, Bwebi Saete, Endemi na yeza obeye. Papa top le grand Libanais Théo. Voilà. George Weah, Richman Hansi, le seul. Bolo Abunza quoi, papa na Franck, hein? Papa top na salani na ye a jojo we a jojo bundu te lito ye didi je mukama geni a mi ba sukisa Nicolette kaka poraya ala bula. Mama, ya te yo camas solo, ya vanto yo pasa la tensión. miselele, mama le miselele, ye miselele. Photo Joël, papa Rengose, Tamukati, Mosiko et Asatana Itano. Yeah.